Yeah. Aoki. Spar, spar, c'est pas la guerre. Ce soir, c'est caisse ouverte, slip de bain. T'es sur eux, pas sur TF1. Beat funky, voix posée. J'arrive full bois, short en toile. J'ai croisé un ours, il a pris la dalle. Pas en tôle, mais ambiance royale. Vieur dans le chat qui spam toile. J'pose des murs en rythme, j'suis dans le tempo. Ma pioche c'est du flow, j'creuse comme un pro. Ma tour elle fait le DJ, bip bip slow. Et rider skill balance le mojo. Ambiance fête sauvage dans le camp. Faites au coffre fort, j'ai looté des paillettes. Même mon pompe a mis des lunettes. On trinque au vice au pipe rouillé. L'été dans rue, c'est fait pour danser. Dans du code lock twist de la sulfateuse. Même les noobs deviennent dangereux. Viewer fidèle, mets-toi bien. T'as cliqué ici, t'es plus humain. Plus rapide, rime, débile assumé. Caleçon sale et AK doré. Ma basse pue la sueur bien cramée. On crave des habits avec des rideaux. Et le frigo fait du mélo. Viewer qui pile à l'envers. Lance roquette qui part en arrière. Mais dans ce chaos organisé, y'a de l'amour et du PVC. Remixé avec des cris de viewers. Faites au coffre fort, j'ai loté des paillettes. Même mon pompe a mis des lunettes. On danse sur les clous, on glisse sur des pièges. Rider skill t'apprend faire la fête en siège. Danse de la pioche, hip-hop, tu farmes. Quand t'es full stone, t'oublies le drame. Viewer fidèle, mets-toi bien. T'as survécu, t'as ton festin. Calme, chelou, puis drop, débile. Un moment de paix, un moment de grâce. Tout moi au milieu du de viewer, alarme, roquette en fond. Là c'est la fête ou c'est le wipe. Fête au coffre fort, j'ai loté des paillettes. Même mon pompe a mis des lunettes. Ma team c'est des clowns mais des tueurs.